PSI. Je là c'est spécialement pour les médias hypocrites et menteurs. C'est ceux qui te lavent le cerveau ici. Hey, yo, écoute ça, tribunal, Don Valdez, yo. Toi et toi, ils nous mentent. Si je reste à la con, c'est presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent. Ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Ils nous mentent. Ces journalistes à la con, c'est presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent. Ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Hey. Journaliste, dis-moi pourquoi l'information tourne dans tous les pays. De la même religion, tu oublies qu'un tel ou qu'un tel n'est pas bon. Mais dans une autre contrée, c'est une toute autre chanson. L'information bien souvent passe, mais au bord de nos frontières, la réalité très passe. Qui fait le bien, qui fait le mal, laisse la couleur de l'argent ou l'odeur du pétard qui transforme ceux qui nous entourent. A-t-on vraiment besoin d'avoir tout religieux? Je me sens dans la matrice, je les referme et je ressens mieux les vis. Sans me guidant par les mailles, j'évite la malice qui fait les erreurs, est-ce le bandit ou la police? Yes. Ils nous mentent, ce journaliste à la con, c'est presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ce journaliste à la loi, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Ils nous mentent, ces journalistes à la con, ces presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Well, leur propagande épouvrira mes sens, consommation à outrance, à perdre les consciences. Il n'est question que d'apparence, en on oublie tout nos sens. Aller dans leur sens n'a aucune élégance. Que sur les tiens prime leur manigance, que sur les tiens prime leur. N'agis plus avec réflexion, fiston. Tu es dirigé comme un mouton, comme un mouton. Hey, ils nous mentent, ces journalistes à la con, ces presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drap. Hey. Ok, je vois tous les journalistes qui tendent l'oreille. Dès qu'un scandale éclate, ils jouent les intellectuels. Pas des brebis, c'est eux qui se dégarent. Ils s'en font jour et nuit, beaucoup d'argent en jeu pour nous raconter des conneries. L'information est achetée, cela devient banalisé. Pour contrôler certains quartiers, la vérité est transformée. Et cela suffit maintenant, il serait grand temps de penser à nos enfants. Vivre dans un monde hypocrite, c'est cela qui les excite. Il ferait mieux de prendre la fuite ou de filer vite et vite. Ou de filer vite et vite. Il serait temps qu'ils prennent la fuite. Ces journalistes à la con, ces presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Ils nous mentent, ces journalistes à la con, ces presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Hey, facilement de venir raconter les faits qu'on t'a rapportés, ensuite les réinterpréter. Tout ça pour pas choquer, sinon tu ne serais pas payé. Regarde tout ce que tu as trahi, oublié. Tu n'as même plus honte que ça devienne laid. Peut-être as-tu perdu la notion du faux du vrai. Il est temps pour toi de passer le relais. Il est temps pour toi de passer le relais. Ils nous mentent, ces journalistes à la con, ces presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Ils nous mentent, ces journalistes à la con, ces presse et médias que je ne comprends pas. Well, ils vous mentent, ces journalistes à la noix, à cause de y'a trop de famille dans le beau drama. Yo, alive and directing, sur section urbaine. Original Don Valdez, c'est très mal dans la place là. Hey, face à tous les médias menteurs, c'est qui veut te voir dans le bas-fond. Hey, et te censure à longueur d'année. Big up pour tous les militants, tous les warriors. Gardez la foi en Jah, tu sais, hey, pour avancer, on lâche pas l'affaire. Original, tous les militants, Jah, Rastafari.